C'est pourquoi même dans l'église, quand nous disons nous avons l'onction, nous avons les dons de prophétie, les dons de révélation, paroles de connaissance, nous devons les utiliser avec sagesse. Sinon, nous risquons de gâter les choses, nous risquons de déstabiliser l'œuvre de Dieu ou de faire du mal à notre société. Deuxième vérité, les alliances ou les mauvaises alliances sont toujours un piège. Nous voyons comment Samson, il a aimé cette femme, alors que ses parents lui ont prévenu, en disant qu'il ne devait pas aller chercher une femme dans le pays des Philistins, parmi les Philistins. Et nous voyons que Samson dit, il aime cette femme. Mais en regardant bien, nous voyons que le cœur de cette femme était toujours orienté, tourné vers son peuple. Vous voyez, lorsque tu vas épouser une femme païenne ou bien un homme païen, mon ami, je vais te dire une chose. Il va toujours chercher à rester fidèle à son alliance avec son maître, avec ses divinités. Vous voyez, celui qui n'a pas Christ, il est animé par un autre esprit. Il va servir les intérêts de l'ennemi. Il va servir les intérêts du diable et il sera pour toi un piège. C'est pourquoi Paul dit, quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial? Samson affirmait qu'il aimait cette femme. Et cette femme faisait l'hypocrisie. Elle a utilisé des mots, des paroles douces, telles que non, tu ne m'aimes pas. Elle a même pleuré pendant toute la fête pour que Samson puisse lui dire les secrets de l'énigme. Parce que son peuple disait, si il ne te dit pas, on va te brûler. Vous voyez. Il est dit au verset 15. Le septième jour, il dit à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons. Toi et la maison de ton père, c'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Et regardez le verset 16, dit, la femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et le verset 17 dit, elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Vous voyez, l'énigme que Samson a proposée a transformé le festin en deuil. Vous voyez, les mauvaises alliances, nous devons faire attention parce que ça peut nous amener loin. À cause de l'insistance de cette femme-là, Samson finit par lui expliquer l'énigme. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ma sœur, toi tu dis que tu es chrétienne. Cet homme t'as fait des avances depuis longtemps. Tu dis, tu refuses. Mais à force de le côtoyer, à force de répondre à ses invitations au restaurant, tu finiras par céder, tu vois. Parce que l'ennemi, il est tenace. Il va commencer à insister. Et tu auras de la pitié. Je vais dire à quelqu'un, on ne se marie pas à cause de la pitié. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des problèmes parce qu'il dit, oui, la femme ou le mari a dit, le garçon a dit, si tu ne m'épouses pas, je vais me suicider. Et tu commences à dire, il fait pitié ou elle fait pitié et tu vas céder. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Troisième vérité, faisons attention aux engagements que nous prenons parce que nous sommes obligés de les respecter. Samson a proposé l'énigme. Il a dit, si quelqu'un me donne l'explication, pendant les 7 jours du festin, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Et si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Et comme cette femme, par insistance, a fini par persuader Samson, pour qu'il lui explique l'énigme, Samson était obligé d'appliquer ce qu'il avait dit. Vous voyez? Donc, tu dois faire attention. C'est pourquoi lorsque tu prends un engagement, il ne faut pas le prendre à la légère. Parce que tu seras obligé de pouvoir assumer, de pouvoir respecter tes paroles. Dans notre société, nous devons respecter nos paroles. C'est pourquoi nous ne devons pas nous engager à la légère, nous ne devons pas prendre des engagements à la légère. Le texte dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Verset 19, il y tua 30 hommes, brûlèrent des dépouilles et donna les vêtements de rechange

Regarde comment il t'a gardé cette nuit. Regarde comment il te donne la vie, le souffle de vie. C'est ce Dieu qui t'avertit parce qu'il t'aime. Tu vas le louer. Élève ta voix maintenant. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu de gloire, le Dieu incomparable, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu, le Dieu souverainement élevé, le Dieu qui règne au-dessus de toute autorité, de toute principauté. Merci, ô Seigneur, toi le Dieu qui élève qui tu veux et qui abaisse qui tu veux. Oh, sois béni notre Père, notre Seigneur, toi le Père de gloire, le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu incomparable. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur. Toi le Dieu qui veut que nous puissions prendre des engagements qui te glorifient, toi seul. Père, nous voulons t'élever de ce que c'est toi qui es capable de nous aider à éviter de mauvaises alliances. Seigneur, aide-nous à savoir choisir avec qui nous marchons. Seigneur, c'est toi seul qui peux nous aider. De nous-mêmes, nous ne sommes rien, nous ne pouvons pas. Rien, mais ta grâce, oh ta grâce Père, nous suffit. Nous voulons encore nous recommander sous ta grâce afin que tu nous aides, Seigneur, à savoir choisir jour après jour ce qui te glorifie. Oh, glorifie-toi Père à travers nos vies, glorifie-toi à travers nos choix, glorifie-toi à travers tout ce que nous faisons. Oh, merci Seigneur. Toi, le seul digne d'être élevé, glorifié dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB. Si cette émission vous a fait du bien et que vous avez un témoignage à rendre, vous pouvez nous contacter sur notre site web ou sur Facebook, ou vous pouvez appeler sur notre téléphone à la radio Fréquence Vie à Abidjan. Le passage du jour, c'est Juge chapitre 14, verset. Le passage du jour, c'est Juge 14, 10 à 20. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir que nous devons faire attention, quand bien même nous avons l'onction de Dieu, quand bien même nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous devons être sages. Samson était rempli du Saint-Esprit, mais il va proposer l'énigme en pleine fête. Il va donc gâcher la fête. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il te donne la sagesse. Tu vas prier même pour ton église. Tu vas prier pour tous ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui disent qu'ils ont l'onction de Dieu, ils ont des dons, des révélations, mais parfois qui peuvent les utiliser sans sagesse, ils peuvent mal les utiliser et ça peut créer des problèmes, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la Père éternel, nous te bénissons et nous te glorifions pour tous tes hauts faits. Nous te bénissons et nous te glorifions, Père, parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous te bénissons et nous te glorifions parce qu'en toi nous avons l'assurance. Nous nous tournons vers toi pour renouveler notre engagement de marcher avec toi. Nous nous tournons vers toi pour prendre notre engagement d'être des modèles, d'être des références dans tout ce que nous entreprenons. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous demandons qu'au travers de ton Esprit Saint, tu nous donnes la sagesse, tu renouvelles notre connaissance. Ta parole dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Fais en sorte, ô Père éternel, que dans notre marche avec toi, dans notre communion avec la société, dans notre communion avec les proches, nous puissions toujours exprimer notre sagesse. Nous puissions toujours faire valoir la sagesse qui vient véritablement de toi. Fais en sorte, ô Père éternel, que les paroles que nous prononçons soient des paroles qui procurent la paix, soient des paroles qui édifient, soient des paroles qui encouragent. Donne-nous, ô Père éternel, cet esprit de tempérance pour être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Nous te remercions, Père éternel, parce que nous avons l'assurance que tu nous protèges et qu'avec toi, nous réussirons dans tout ce que nous entreprenons et que nos ennemis seront dans la honte. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons faire attention aux mauvaises alliances parce que ces alliances peuvent constituer un piège. Samson est parti aimer une fille des Philistins. Et nous voyons que cette fille des Philistins était obligée d'être en connivence avec son peuple. Elle a incité jusqu'à ce que Samson était obligé de lui donner l'explication de l'énigme. Parce qu'elle cherchait l'intérêt de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier l'Éternel afin qu'il te donne un esprit de discernement et qu'il puisse te préserver des mauvaises alliances. Parce que lorsque tu as déjà tissé une mauvaise alliance, ça devient difficile de t'en défaire. Tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour ta fille, pour ton garçon, afin que Dieu les préserve. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Te prier ce matin, te dis merci Seigneur, parce que les alliances dont les ordonnances nous condamnaient ont été déchirées à la croix, et nous croyons que ta parole a un pouvoir. Amen. Le sang de l'agneau a un pouvoir. Amen. Si nous avons, sans le savoir, dans l'ignorance, contracté des alliances sans réflexion, sans discernement, et Seigneur, cela a notre Dieu, notre Père, un pouvoir négatif sur nos vies, nous renversons cette alliance. Nous les brisons, notre Dieu, notre Père. Et nous prions pour nos enfants, afin que nos enfants soient préservés, soient gardés dans le sang de l'agneau. Nous te prions maintenant que ceux qui ne le savent pas, qui sont en train de souffrir et sont en train de détruire leur foyer, sont en train de détruire, oh, notre Dieu, leur héritage matériel. Ils sont oppressés, ils sont poursuivis, ils sont menacés. Nous te demandons, Seigneur, de les garder, de les préserver, et que ceux avec qui ils ont contracté ces alliances, nous les repoussons, nous les éloignons de ces familles, de tes enfants, et nous les plongeons dans le sang de l'agneau. Sois béni, Père, sois magnifié, au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir l'important de respecter nos paroles. Samson s'est engagé. Il a dit, celui qui va donner l'explication de l'énigme, je vais lui donner 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il était sûr que personne n'allait donner l'explication. Mais par après, il a vu qu'il a donné, par après, contraint par cette femme, ses ennemis, les Philistins, ont donné l'explication. Mais par après, contraint par cette femme, il était obligé de donner l'explication et cette dernière l'a dévoilée à ses ennemis. Mais Samson était obligé de respecter ses paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as donné des paroles. Tu as pris des engagements vis-à-vis d'une personne. Tu as pris des engagements, même pour l'œuvre de Dieu. Tu as pris des engagements par rapport à quelqu'un. Il faut respecter tes paroles. Oui, même si cela peut te coûter. C'est pourquoi il faut être prudent. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à rester fidèles, à respecter nos paroles, à respecter nos engagements. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Béni sois-tu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ta parole dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce matin, tu nous interpelles de ne pas nous précipiter à faire des vœux, de ne pas nous précipiter à donner notre parole comme gage, de ne point nous précipiter à dire des choses qui peuvent nous condamner. C'est pour cela, Seigneur, je prie que tu nous équipes de la sagesse. Tu nous donnes la sagesse en toutes choses, en tout temps et en tout lieu, quelle que soit la personne qui est devant nous. Père, dans cette vie chrétienne, nous ne voulons pas nous associer à n'importe qui, car l'amitié peut nous faire ou nous défaire. C'est pour cela que je prie que tu nous aides, ô Dieu, dans notre langage, à être sobre, à parler au moment opportun, de façon bénéfique, de façon constructive. Oui, que tous nos engagements que nous avons pris, que nous puissions les respecter dans l'Église, dans le royaume, au milieu des frères. Père, donne-nous d'être des hommes de parole. Certainement, si c'est des paroles, des engagements négatifs qui peuvent détruire notre marche chrétienne, nous prions que chacun de nous renonce à ces choses. Merci, Papa, de nous aider à progresser, de nous aider à grandir, de nous aider à évoluer en tout point de choses, car nous voulons ta volonté. Merci de nous honorer. Merci de nous faire avancer au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons rappeler que demain dimanche 25 octobre, nous n'aurons pas notre rencontre bonheur conjugal parce que c'est le jour qui est prévu pour le vote. Nous allons donc sauter le dimanche 25 pour nous retrouver le dimanche 1er novembre, toujours à la même heure à 17h au CPE. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir, à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.